إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. طيب من هذا اليوم في كل يوم الجمعة إن شاء الله نبدأ un درس concis مأخوذ من كتاب المنظومة منظومة القواعد الفقهية للإمام السعدي. Un درس par semaine qu'on va faire, inshallah. Il sera un peu plus long que les deux autres qu'on fait habituellement. On va le faire un peu plus long, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Ou à cause, on fait cette risala. Par la suite, une autre, ainsi de suite. Nastafid. Fahimt? Nastafid. Ou le kitab asan, ya ma wa tawil. C'est pas tout ça, là. C'est juste ça, complément. حول هذا وقصير. طيب و دونك لا منظومة سين بويزي دو القواعد الفقهية ليغل دو فيق ليغل جينيرال تخي امبورتون تا كونيتر و تخي مفيدة. Beaucoup de gens se posent la question, comme toi d'ailleurs et d'autres, nous tous aussi de, au début, mal farqu bayna usul al-fiqh wa al-qawa'id al-fiqhiyya. C'est quoi la différence entre les deux? علم اصول الفقه هو معرفة, comme on pourrait dire, معرفة احكام, معرفة أدلة الأحكام إجمالية وكيفية الاستفادة منها. C'est le fait de connaître, de savoir comment connaître les preuves et de pouvoir en profiter. C'est apprendre à savoir qu'est-ce qu'un dalil, tamam, qu'est-ce qu'un dalil et de pouvoir en tirer les jugements de ce dalil, ce qui est wajib, ce qui est mustahab, quand c'est une chose qui est acceptée, une chose qui est refusée, et quels sont les textes qui font office de dalil, et lequel qu'on, lorsqu'on a deux, lequel qu'on fait prédominer, et kada. Donc c'est ijmali. Par exemple, مثلاً, يقول الله سبحانه وتعالى وَاقِمُوا الصَّلَاةَ. طيب, et accomplissez la salat. هذه الآية هذا دليل إجمالي. C'est une preuve général qui te dit que la salat est obligatoire. Car il a dit aqimu, c'est un amr, c'est l'apératif. Donc c'est un wajib. Maintenant, est-ce que ce verset t'explique comment faire la salat? Il te dit juste que la salat est obligatoire. Maintenant, ça c'est ça ijmali. La base de l'acte, tu connais son jugement. Quand même. Et tu sais que de ce verset, tu as appris l'obligation de la salat. Maintenant, la salat, comment la faire? Ça vient à dire fiqhiyya. يعني هو معرفة الأدلة من الأحكام العملية, يعني هو معرفة الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية. C'est le fait de connaître les règles qui se rapportent au rite avec les preuves détaillées. L'acte en lui-même. فهمت? T'apprends à faire l'acte en lui-même. Le fiqh, t'apprends à faire l'acte en lui-même. Et au sous le fiqh, t'apprends le jugement qui se rapporte à cet acte. Et comment savoir le dalil pour savoir faire cet acte et le jugement qui s'y rapporte. فهمت الفرق تقريبا بينهما؟ نعم. الان اللي هي الاخر. نعم. لا بد من الفرق. T'en as besoin. بلا شك. T'en as besoin. Mais le fiqh c'est plus tafsili. La salat comment tu l'as fait, les arcan, le ruku comment tu le fais, le sujud comment tu le fais, qu'est-ce que tu dis dedans? Là ça vient au fiqh, pas au sous le fiqh. Mais au sous le fiqh va t'apprendre à te dire lequel dans la salat, qu'est-ce qui est wajib, qu'est-ce qui est un rukn, qu'est-ce qui est mustahab. C'est ça la différence entre les deux. Donc là, c'est des kawa'id fiqhiyya qui vont t'apprendre des choses générales. Et de ces règles, tu pourras savoir beaucoup d'actes à accomplir en certaines situations. Même si tu ne connais pas l'acte que tu fais, le dalil direct de cet acte, en lui-même à ce moment-là, tu connaîtras le jugement qui se rapporte à ce genre de situation. C'est-à-dire, toi, tu auras un dalil de loin, mais qui sera valable pour cette situation-là. Tu n'auras peut-être pas le dalil exact de cet acte-là, mais tu auras un dalil ou tu auras une règle qui t'aidera à savoir que dans cette situation-là, Messalène fait telle chose ou ne la fait pas. Vous voyez ? Ou cette chose-là est meilleure que celle-ci. Ou à Kada. ويعلم كذلك أن القاعدة يستدل لها ولا يستدل بها. Qu'une règle en soi n'est pas un dalil. La règle a besoin d'un dalil. Après, les gens, ils ont connu le adilla, donc tu cites la règle directement. Elle est connue. Elle est connue. Ça, c'est, tu gagnes du temps et les gens, ils savent de quoi tu parles. Mais maintenant, avant ça, une règle en elle-même, tu n'inventes pas une règle. Elle est basée sur un dalil elle-même. Donc là, dans la Muqaddima de ce livre, ils ont pris de Shah al-Bassam, rahmallahu ta'ala, قال القواعد الخمس الكبرى, les cinq règles majeures. Celles qui sont plus grandes que d'autres règles. Elles sont vraiment majeures et tu les retrouves dans presque toutes les situations. Tu as affaire à ces règles-là. Et tu as besoin de les connaître. On les a déjà appris avec d'autres dans la, au début du livre, quand on a fait le charh de Kitab al-Tahara de Boulou al-Maram sur le site. Ces règles, on avait expliqué ces cinq règles-là et cinq autres. 10, on avait cité. Et elles reviennent dans les kutub de fiqh, elles reviennent. Souvent dans les muqaddimat, elles sont citées. لكن لا بأس أن نعيدها من باب الاستفادة. طيب. Donc là, ce sont les cinq. La Qawaid al-Khams al-Kubra, les cinq règles majeures dans le fiqh. Al-Ula, al-Umur, bimaqasidiha. Wa dalilu, innama al-A'malu bin-Niyat. Que les choses se basent sur, on va dire, l'objectif pour lequel tu les fais. Apprendront le jugement de la raison pour laquelle tu les accomplis. Et le dalil, c'est le hadith de Aïcha, les actes ne valent que pour les intentions. Athaniya, la darar wa la dirar. Yani, pas de mal, il y a plusieurs explications, pas de mal à soi-même ou aux autres, ou pas de mal, que ce soit volontaire ou pas, yani, plusieurs explications sont venues par rapport à darar wa dirar. Et ça s'est tiré du hadith de Ubada ibn Samit. Akhrajul Bayhaqi, qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, la darar wa la dirar. Et tu fais compte que ces hadiths-là sont présents dans quoi? Arba'in Nawawiyya. Ces règles, et la plupart des hadiths d'Arba'in Nawawiyya regroupent beaucoup de ahkam. C'est pour ça que c'est un petit livre, mais il regroupe beaucoup de sciences. Donc maintenant, mathalan, un exemple. En quoi cette règle-là, tu en profites? De mettre une situation, tu veux faire une chose, et sur le passage, pour accomplir cette chose, t'as, mathalène, le biais d'une personne qui te fait obstacle. As-tu le droit de casser cette chose-là ou pas? Cette règle-là, tu diras non. Pourquoi est-ce que tu vas nuire aux autres? En cela. Même un cas à faire. Après, il y a des cas, bien sûr, l'exception. C'est-à-dire, tu te rappelles pas, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit? Tu réfléchis, quand tu dis le hadith, la darar wa dirar. Je ne peux pas faire ça. Tu vas consommer tel produit. Tu dis que ce produit-là, il est nuisible, il est nocif pour toi. Kaza et kaza. Salam, telle chose. Un exemple, la cigarette. Quelqu'un va te dire, il n'y a pas de dalil que la cigarette, c'est interdit. Tu dis, la darar wa la dirar. Tu te fais du mal à toi-même, en plus aux autres, parce que la fumée est nuit. C'est un hadith qui est général. Donc après, tu peux arriver à plein de choses. Des choses, tu ne sais pas si tu n'as pas un dalil précis sur elles. Tel produit, est-ce qu'il est consommable ou pas? Avec ce hadith-là, tu auras, alhamdoulilah, beaucoup de réponses à tes questions. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de réponses, beaucoup de questions détaillées. On te dit, si jamais tu as les hadith, les qa'ida amma, tu auras ta réponse. On dit, mais on peut faire ceci, on peut faire cela. Il va te poser 10 questions, tu sors un hadith qui répond à toutes tes questions. Ce hadith-là, si tu comprends, tu l'apprends, tu as toutes tes réponses en un seul hadith. Et ce hadith te prouve telle règle dans le fiqh. Mathalan. طيب القاعدة الثالثة اليقين لا يزول بشك que la certitude ne disparaît pas par le doute. Une chose dont tu es sûr et certain que tu as fait, après tu doutes, le fait que tu étais sûr, ce doute ne vient pas pour supprimer cette certitude que tu avais. Tu restes sur la chose. Là-bas, c'est que c'est comme ça. La yazulu bishak. Min adilata dil qa'ida qu'Allah ta'ala wa inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a. Sourate An-Najm, l'étoile, verset 28. Que les conjectures ne remplacent en rien la vérité. Les zones, c'est des choses que tu penses. Et t'as une chose qui est véridique. Ce zone-là que tu as là, il ne va pas déplacer le haq. Et également parmi les hadiths, Muttafaqun alayhi an Abi Huraira, par rapport à cet homme qui se plaignait d'entendre des choses dans son ventre, de se dire est-ce que j'ai fait la salat ou pas. Il a des wasawis, et il croit qu'il a, par exemple, il a eu des gaz pendant la salat. Il ne sait pas. Mais il est sûr qu'il a fait l'eau. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne sort pas de la salat tant qu'il n'a pas entendu un bruit, qu'il n'a pas senti une odeur. Toi, tu es sûr que tu as fait l'eau. Tu dis, est-ce que j'ai perdu l'eau ou pas? Tu ne te rappelles plus. Tu restes sur le fait que tu as fait l'eau. Sinon, après, c'est une porte au wasawis. Les gens dans les wasawis, est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pas fait, comment ça? Ils sont perturbés. Tu lui dis, t'as fait l'odo? Naam. Tu te rappelles bien? Naam. Khalas, reste l'odo. Tant que t'as pas une chose sûre qui annule cette certitude, tu restes sur le fait que tu l'as fait. Arabia, huwa al-mashakka tajlilu al-taysir. Que la difficulté emmène à la facilité. ومن أدلة هذه القاعدة لا يكلف الله نفس لا يكلف الله نفسا لوسعها الله n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut supporter. وقال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Qu'Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. Et d'autres adillah, il y en a plein. Donc maintenant ça veut dire quoi cette règle? À bien la comprendre, parce que les gens la comprennent mal. C'est la difficulté d'appliquer une chose, tu as vraiment une mashakka à l'appliquer, alors tu seras facilité. Mathalan, celui qui ne peut faire salat debout parce qu'il est malade, il l'a fait assis. C'est une facilité. Mathalan, jam al-salawat wa taqsir fi safar. Venir à salawat et les rétrécir pendant la salat, les raccourcir pendant la salat, pendant le voyage. Ça, c'est une facilité. C'est pas quelqu'un qui vient au travail, il veut un travail, on lui dit non, si t'es en barre, on n'a pas le droit. Il dit, c'est la règle, à ma chakot, j'ai buté ici, je te rase la barbe. Non, c'est pas ça. Tu tombes pas dans une moukharafa. C'est une situation que tu ne peux faire physiquement, elle ne t'est pas supportable. Il y a trop de difficultés. Et c'est un acte obligatoire ou quoi? Tu auras toujours une solution par en dessous pour l'amoindrir. Quand même. Maintenant, il faut se baser au adillah et pas à l'affaire de sa tête. Comme beaucoup de gens, ils le font. Les croyants, ils servent beaucoup de cette règle-là. La religion, c'est la facilité. Hein? Tout est facile. On dit c'est facile, mais celle qui est légiférée, pas celle de ta tête. Ou le khamisa, il y a al-ada muhkama. Al-ada muhkama, c'est-à-dire que les coutumes sont prises en considération. Yani, les situations dans les mu'amalat entre les gens, quand tu n'as pas un dalil clair sur une chose, quand même, alors les coutumes des gens sont prises en considération à ce moment-là, tant qu'elles ne s'opposent pas à la sharia, bien évidemment. Tant qu'elles ne s'opposent pas à la sharia. Tu vas dans un pays, mathalan, et les gens, mathalan, le taxi, de tel et tel endroit, ils te disent, chez nous, c'est ma'arouf, c'est 500 riyals. Et toi, dans ton pays, tu es habitué à moins cher. Tu arrives dans le pays, tu te dis, nous, telle et telle distance, c'est 500 riyals. Tu dis, non, c'est trop cher. Il dit, c'est comme ça chez nous. dis non, dans mon pays, c'est comme ça. Dis, tu es dans ton pays, là, tu es dans ton pays et nous. Et tous les gens ici marchent à ça. Tout le monde est d'accord. Ça, c'est chez nous, c'est comme ça et tout. Tu vois? Donc là, tu fais quoi? Tu te fies aux coutumes des gens dans ce pays-là. Dans un pays, le jilbab pour la femme, les femmes sont toutes habillées en noir. Une sœur, elle vient, elle est habillée en vert. Car les couleurs sont permises. Quand même, elles sont permises, les couleurs. Elle vient s'habiller en vert. Les gens la blâment. Elle dit, c'est permis. Non, mais c'est permis, mais tu t'opposes à la hadat des gens. Et ça amène une mafsada. Donc toi, dans ce moment-là, voyez, on ne te dit pas que c'est haram que tu mettes du vert. Et tu vas faire des problèmes. Donc là, adapte-toi aux coutumes des gens. Mais certains vêtements dans certains pays, vaut mieux que tu évites. C'est permis. Voyez, c'est permis. Mais tu vas voir que ça fait des problèmes ou quoi. Ça, ça rentre aussi dans la, l'autre qaïda qui est un daf ou rad al mafasid muqaddam ala jalb al masalih. Que le fait de repousser un mal est meilleur qu'apporter un bien. Ça va venir, ça aussi dans le kitab. Mais là, on prend plus l'exemple du taxi, Massalam. Que les gens ici, leur prix, c'est basé sur telle et telle chose, tel et tel calcul. Que c'est pas par kilomètre, peut-être, c'est peut-être par de ville en ville. Nous, non, on va dire, en France, on est habitué au compteur. Tant de kilomètres, c'est tant d'euros. Ils disent, nous, ça marche pas comme ça ici. Nous, ça marche à Kaza et Kaza et Kaza. À ce moment-là, tu viens pas imposer tes hadats de France, Massalam, dans le pays où tu es. Et comme on a expliqué, tant que, bien évidemment, c'est à Adat, là, tu khalif et charab. Adakay mouhim jiddan. Donc là, ce sont cinq règles majeures parmi les règles majeures du fiqh. Al-An, ça l'attaquelem qalilan, inshallah, an al-mu'allif. L'auteur, une biographie résumée. Aya? طيب هو الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى donc son nom sa cunia c'est Abu Abdillah prénom عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر ابن حمد آل سعدي من بني تميم il est né à Aniza et a né le 12 de l'année 1307 je sais pas si c'est Aniza ou Runaiza si c'est un tasrir. Est-ce qu'on dit Aniza ou Onaiza? Que, il a grandi orphelin. Rahimahullah ta'ala. Car sa mère est décédée alors qu'il avait 4 ans et son père est décédé alors qu'il avait 7 ans. À la base, le yatim, c'est par rapport au père. Al yatim ou alladhi mata anhu abuhu wa wa lam yablur. Le yatim, c'est celui dont le père est mort avant qu'il n'atteigne la puberté. Et ça, un yatim. C'est-à-dire, même si demain ta mère, elle est toujours vivante, ton père, il est décédé avant que tu sois pubère, on dit que t'es un yatim. Mais là, lui, il a perdu les deux. Le père et la mère. Donc, il a grandi, il était connu depuis son enfance pour une grande intelligence, un grand éfaillé. Et tu verras que beaucoup d'ulama étaient, beaucoup d'entre eux étaient des orphelins. Beaucoup des grands imams ont été orphelins. Et que depuis petit, là, ton enfance était connu pour avoir un grand amour pour la science. Pour chercher la science, il a appris le Coran par cœur vers les 11 ans. Et il a appris la science des ulama de sa contrée. Il était connu également pour veiller la nuit, pour pouvoir justement obtenir la science. Et il a appris dans beaucoup de ulum, beaucoup de dolem, beaucoup de founoun de l'ulum, le shad'iyya. Et lorsqu'il a atteint les 23 ans, il a commencé le tadris, à enseigner. Taïeb, il avait le moustawa pour enseigner. Donc il continuait à enseigner, à apprendre plutôt, et en même temps il enseignait. Il était connu pour avoir des grands akhlaq, al-fadila, bon comportement. Mutawadhi, t'es modeste envers les petits, envers les grands, envers les riches, envers les pauvres. T'as dit, lorsqu'il était appelé et invité à une assemblée ou autre, parmi les occasions, il venait, il assistait, il venait. Et dans les assises, il faisait profiter aux gens. C'est des assises ilmiya, le rappel. Il avait beaucoup de compassion vers les pauvres et donnait beaucoup, beaucoup de moussa'ada. Il aidait beaucoup. Et il était connu pour avoir été très fort dans la science de Usul al-Fiqh. Il dit, à propos de lui, l'auteur, كان أول أمره متمسكا بالمذهب الحنبلي تبعا لمشايخه وحفظ بعض المتون من ذلك. Au début, il était connu pour être accroché. Puis, par la suite, il a lu beaucoup de kutub de Cheikh al-Islam et de son talib Ibn Qayyim al-Jawziya, rahmahumullah. Et par leur cause, quand même, il a appris beaucoup dans les wusul, dans le tawhid, dans le tafsir, dans l'aura. Et ensuite, il ne se limitait plus à son mazhab. Il est devenu plus ouvert. Il prenait les adillah. Au début, il marchait au mazhab. Après, quand il a lu ces kutub-là, beaucoup des kutub de Cheikh al-Islam et de Muqayyim, il est devenu plus ouvert. Et là, il a suivi vraiment plus les preuves qu'au début. Car le mazhab, ça t'appelle au taqlid. Je suis le mazhab sur lequel tu es. Dans le mazhab, nous on fait comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Donc tu suis le mazhab. Donc ça t'amène à suivre le mazhab et non pas l'adillah. Il y a eu beaucoup de khilaf à cause de ça. Et après les gens diffèrent. Il y en a, ils ont un ta'assoub plus chadid, et d'autres plus souples, et d'autres qui ne sont pas muta'assiboun. Ils ont dans un mazhab, ils ne sont pas muta'assiboun, mais ils sont rares. Voilà. Ils sont rares. Et il y a beaucoup de kutub. Dans le tarjama, il en cite au moins 43. Certains ont été édités et d'autres non. Et il y a un livre, qui a un gros livre qui a été publié, qui rassemble toutes les rasa'il de Cheikh Saad. Et il est connu pour avoir été le Cheikh de qui? Cheikh Mohamed bin Salih bin Al-Uthaymeen. Donc ce savant est considéré comme étant un imam de notre époque. Et ensuite, après avoir passé toute sa vie dans la science, il finit par décéder, rahmallahu ta'ala, en 1376, dans sa même ville, même dans sa ville. Et d'ailleurs, c'est là que Cheikh Othaymine a commencé avec lui, cette ville-là également. Et lorsqu'il est mort, c'est Cheikh Othaymine qui l'a remplacé, son kursi. Ce qui donnait de l'eau dans le Jami' al-Kabir, le Jami' principal de la ville, des doulous généraux, et il donnait des doulous khas, c'est le plus grand toulem, donnait des doulous khas privés au nouveau toulem, pour apprendre justement Ulum al-A'la. Et par la suite, Cheikh Othaymine est devenu justement parmi ses mudarrisin, enseignants, qui donnaient des doulous khas au nouveau. Et par la suite, lorsque le Cheikh est mort, c'est lui qui l'a remplacé. Rahmallahu ta'ala. Donc là, on va rentrer dans la Kitab al-Manzouma. Donc c'est une poésie qu'il a écrite, dans laquelle il cite des règles de fiqh, muhimma, nafi'a, wa mufida. Rahmallahu ta'ala. Et là, le charh, c'est le sien, lui-même. Comme il dit, ana sahib al-bayt adra bih ma fihi. Celui qui est propriétaire de la maison, il peut savoir ce qu'elle contient. Donc les meilleures shuruhat, c'est celles des auteurs en eux-mêmes. Un auteur qui fait un matan, ou une fille de mandouma, ou les alika, la meilleure explication sera la sienne. Parce qu'il sait ce qu'il a voulu dire par là. Des fois, tu as des shuruhat, faites par des mu'allifin. Quand le charh, il sort par différents auteurs, des endroits, tu vois, ils diffèrent. Il y en a 10 auteurs, il a voulu dire ça. L'autre dit non, il a voulu dire ça. L'autre, il a voulu dire ça. Quand c'est l'auteur, il sait ce qu'il a voulu dire lui-même. Donc les meilleures shuruhat sont celles des auteurs eux-mêmes. طيب فبدا فقال الحمد لله العلي الارفقي وجامع الاشياء المفرقي. Donc le sens à peu près serait que l'ange Allah, le très haut et le doux, le plus doux, celui qui a rassemblé les choses et qui les a séparées, dans le sens. Donc là, comme il y a une adat al-ilm, lorsqu'on parle dans les choses de religion, On commence par faire le sana d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bihamdihi wa sana alayhi wa zikr mahasinihi. Même ça, c'est le ta'adoub à avoir notre Seigneur. Et hadha kanat min sunnat rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans les muhadara, comme dans les kalimah, comme dans les rappels et durus, quand tu commences. Dans le ta'lif. Wa li dhalika. Donc, Al-Ali. C'est celui qui a l'ulou et tam. L'ulou min sifatillah. Le fait d'être haut, élevé. Ulou et zat, ou ulou et kadr, ou ulou et kahr. Trois formes de ulou. L'ulou de son essence en lui-même, qu'il est élevé. Fasabih bismi rabbika al-a'la. Le plus haut. Amen. Donc, l'ulou min sifatillah. Que Allah est au-dessus. Comment? On ne sait pas comment. Al-kadr. تكون مثلا فلان أو قدر عظيم صديق كم سيادة تخوغا هذا المعنى وعلو الكهر صديق العلو لا دوميناسيون سألا كي دومين توت شوز سألا كي دومين توت شوز اي المتدعاء يفوى علو الكهر لا دوميناسيون يعلو الكدر يعلو الذات اللي هو با بس كي سبو سا reviendrait à mettre Allah dans un mécan quelque part un mécan c'est un makhlouk pour eux. Donc il n'est pas dans ses créations. On dit non. Allahu bayna khalqihi. Lakin asbata li nafsi al-ulu. Car Allah est au-dessus des cieux. Amen. Wa kayfa zaka al-ulu? Allahu a'lam. Et Allah il descend. Kadhalik. Comme dans les films de l'Ahadith. Kayfa nuzuluhu? Allahu a'lam. Donc nous, on affirme ce que Allah a affirmé à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sunna authentique, on ne cherche pas à chercher le comment. Ni à comparer, ou ni à supprimer, ou ni à altérer le sens. Donc, l'arfaq, ça vient de al-rafiq, qui est le plus doux dans ses fa'al, dans ses af'al. Pourquoi? Parce qu'il a donné à sa création les plus grandes masalih, les plus grands intérêts, les choses qui apportent que du bien. Wa jami'u al-ashia wa al-mufarriq, que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'expliquait, a assemblé les choses. Dans certains points, dans sa création, dans leur risque, quand même, et il les a différenciés, mathalen, dans leur apparence. Par exemple, toutes choses, parmi les êtres vivants, ils ont leur risque, ils ont été créés, quand même, et après, tu verras qu'ils ont des différences entre eux. Donc, on a des liens et des différences. Ça, c'est, ça revient au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم بعد هذا قال ذي النعم الواسعة العزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le plus grand bienfait, le plus large et le plus abondant. Et les sagesses les plus stupéfiantes et les plus nombreuses, très nombreuses. Donc comme encore ta'ala, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si jamais vous voulez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Même, donc les bienfaits d'Allah sont trop nombreux pour nous. Wa al-ghazira, très abondant. Al-hikam, al-bahira, sagesse surprenante, stupéfiante. On ne cesse d'être étonné parce qu'Allah sont là, il fait dans sa création. Voilà. Comme un kutulak, nartasir. Quand même, nartasir. Et déjà, en soi-même, quand on tarjam, la tarjama, le sens il apparaît. Parce que des fois, en langue arabe, les gens lisent en langue arabe, et le sens n'est pas forcément apparent directement. Mais nous, quand on traduit, généralement, ça apparaît tout de suite. وقال ثم الصلاة مع السلام دائم على رسول الكرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. Donc il dit par la suite, ensuite صلاة مع السلام دائم صلاة, on expliquait صلاة الله على عبده ما هو صلاة الله sur son serviteur, c'est quoi? Athana, allez, l'éloge sur lui. Ma salam daim. Avec un salut continuel. Quand même. Lakin là, lui, il ne veut pas la salat d'Allah. Il veut la salat que nous, on fait pour être Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que nous, continuellement, on fait la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le salam qu'on lui passe. Sur le messager, al-Qurashi, al-Khatam. Là, par rapport au wazn chi'ri par rapport au vers. Des fois, tu as des mots qui ne rentrent pas dans la mesure désirée dans la poésie. Donc, des fois, ils coupent ou ils enlèvent une harakat, ce genre de choses pour que ça puisse s'adapter. Là, il a dit Al-Qurashi, il n'a pas dit Quraishi. Il a dit Qurashi. Al-Khatam, c'est-à-dire le dernier des messagers. Wa alihi wa sahbihi al-abrari. Alihi, à la base, ce sont ceux qui le suivent. Al-Ahl, avec le Ha, c'est la famille en général. Wa Ali, avec le Med, ce sont les suiveurs. Wa sahbihi, les Sahaba. Al-Abrar, yani Abrar, ça vient de Al-Bar, qui est obéissant. Mathala. Al-Ha'izi, Maratib al-Fakhari, celui qui détient les hauts rangs de noblesse. À la base, Fakhar, c'est les choses dont on se vante. Fahimt, dont on se vante. Nukala kada, takrima. Qala, i'alam hudita anna afdal al-minan ilmun yuzilu shaka anka wa daran yakshifu wa yakshifu al-haq lidhil kulubi. Donc il dit, sache que tu as été guidé, que le meilleur des bienfaits, minen c'est le djem de minna, c'est un bienfait on va dire, quand tu as coulé le foulen manna à la foulen, c'est qu'un tel a gratifié un tel. Manna foulen la foulen, c'est le fait de gratifier quelqu'un. Donc le meilleur des honneurs que l'on puisse recevoir, c'est, il dit, une science qui supprime le doute que tu pourrais avoir, ainsi que les souillures. La daran, c'est ça, c'est souillure à la base. Et qui dévoile la vérité pour toute personne qui possède un cœur. Et qui fait parvenir le serviteur vers la chose désirée. Donc parmi les minen d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les ibad, il y en a beaucoup. Et la meilleure, c'est la science. Al-ilm. Al-ilm al-nafi'a. Et le fait qu'il enlève du cœur deux choses, il a cité al-shak ou al-daran. Il veut dire par là, shak, c'est les shubuhat, les ambiguïtés. Ou al-daran, c'est les shahawat, les désirs. Deux plus grands mots dans le cœur du abd, c'est al-shubuhat ou al-shahawat. Il y a deux choses pour lesquelles les gens s'égarent. Shubuhat dans la religion, ambiguïté, et shahawat dans la dunya, les désirs de cette dunya. Donc, aks, al-shak ou al-yaqin. Aza yakun bil-ilm. Al-daran ou al-afiya. À la base, al-afiya, c'est le fait d'être prémunisé d'une chose. Ou al-ifa kazalik, l'abstention. C'est-à-dire, je ne dis pas que quelqu'un n'est pas un tamma', quelqu'un qui est tout le temps en train de vouloir les choses de la dunya. Ce qui t'emmènera tout le monde dans les mukhalafat. Quand tu veux telle chose, Allah, par exemple, te l'interdit. Donc, pour l'obtenir, tu veux le désobéir. Mathalan. Et la plus grande fitna de cette ummah, comme tu le sais, c'est la dunya. La dunya. Thumma qal, fahlis ala fahmika lil kawa'idi, jamiatil masa'ilil shawaridi. Donc, toi, soucie-toi de bien comprendre les règles générales d'ensemble de masa'il, des questions qui sont éparpillées à droite à gauche. T'as une masa'il là-bas, une qui est là-bas, une qui est là-bas. Et lui, il va t'expliquer par là ce qu'il veut dire par là. لِتَرْتَقِي فِي الْعِلْمِ خَيْلِ الْمُرْتَقَى وَتَكْتَفِي سُبُولِ الَّذِي قَدْ وُفِّقَى. Afin de pouvoir t'élever dans la science de la meilleure façon et de suivre, d'acheminer sur la voie de ceux qui ont été muwaffaqun, qui ont reçu le succès dans ce moment-là, pour arriver au bien. وَهَذِي كَوَعِدٌ نَظَمْتُهَا مِنْ كُتْبِي أَلِّ الْعِلْمِ قَدْ حَصَّلْتُهَا. Là, ce sont des règles que j'ai نَظَمْتُهَا, c'est-à-dire que j'ai classé, mais lui veut dire par là, en poésie, prise des livres des gens de science, voyez, que j'ai obtenu dans le sens que j'ai connu, d'où j'ai tiré ses profits. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. Donc Allah leur accorde la grande récompense, c'est-à-dire ce genre de chance dont il a profité, ainsi que le pardon Donc là, il fait dua pour les gens de science de façon générale. Donc là, ces règles, quand même, sont parmi les plus grands, les plus grandes causes pour te faciliter l'obtention du ilm dans le fiqh. Et la compréhension est sahih. Le fait de mémoriser. Donc ça, c'est la muqaddima. Quand même, aadi kanat muqaddima. الآن سندخل إن شاء الله في الموضوع المنظومة هذه وهي بهذه القواعد. Aujourd'hui on va prendre deux règles إن شاء الله تعالى. قال فصل. À la base dans la manzouma il y a pas de fossil. Elle s'enchaîne toute seule. Mais là dans le charh on va faire vers par vers pour expliquer règle par règle. Donc là il commence فصل. Pour expliquer les vers, deux prochains vers, qui vont expliquer la prochaine règle qui va suivre. قال ونياتنا شرط نسائر الأعمال بها الصلاح والفساد للأعمال. Donc il dit notre intention est une condition pour toutes les œuvres, et par cette intention, on verra si l'œuvre est correcte ou mauvaise. Donc ça c'est une qaïda qui revient à ce qu'on a pris au début du livre, qui est الأمور بما قاصديها والدليل سي إنما الأعمال بالنية كل الزكت نوفال كبلا عطاسيون وكذلك بامي هذه من أجل القواعد من أنفعها هي رنتر dans tout dans tous les domaines du علم إنما الأعمال بالنية d'ailleurs donc si la nية elle est bonne à la base l'œuvre le sera aussi, à condition qu'il soit conforme à l'enseignement prophétique. Mais à la base, même si on va dire qu'une œuvre n'est pas conforme à la sunna, mais qu'elle est sur une bonne niya, tu seras récompensé pour ta niya. Même tu te trompes. Si ta niya était bonne, mukhlisa lillahi ta'ala, mais tu t'es trompé dans la tariqa, mais tu avais une bonne niya, tu seras ma'jour sur ton intention. Et normalement, celui qui a une bonne niya, le jour où on lui démontre qu'il a eu l'erreur, il revient. Parce que son but, c'est plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la bonne niya, à la base, wa babul khayr kulli. C'est pour ça que là, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand elle est, ala inna fil jasad mudra idha salahat salaha al jasad kullu ou idha fasadat fasada al jasad kullu ala ou yal kalb. Il a dit qu'il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est sous réforme et qu'il est vertueux, tout le reste du corps le sera. Et que si jamais par contre il est corrompu, le reste du corps le sera, il s'agit du cœur. Donc les gens, généralement, qu'une bonne niya, tu le vois. Tu le vois. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on tire de cette règle ? Qal, tamiz al-aada anil-ibada. De différencier entre les actes coutumiers et les adorations. Les choses que tu fais tous les jours qui sont permises. Et les adorations. Mathalan, un exemple, quelqu'un à chaud, où il est sale, il veut se doucher. Il rentre dans l'eau, il se douche. Vous voyez, il s'est douché. Il a fait couler de l'eau sur tout son corps. Et on dit que par exemple, Mathalan, c'était un Jumu'ah. Il sort, il dit, ah mais c'est Jumu'ah aujourd'hui. J'avais oublié. Après, il dit, ah, je fais mon roussel, je vais à la salat. Est-ce que ce roussel est accepté? Il n'est pas accepté. Pourquoi? Car bien qu'il ait fait un roussel, il n'a pas mis l'intention de faire un roussel. Il a fait une intention de faire un lavage normal. Par contre, celui qui rentre, qui fait une niya de roussel, pour le Jumu'ah, lui sera accepté. Donc là, ça t'aide à différencier entre certains actes. Que tu feras comme ça, sans niya, et un acte qui sera une ibada. Celui qui n'a pas de niya, et qui en apparence, qui aura l'apparence extérieure d'une ibada, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne sera pas compté comme une ibada. Tu n'auras pas commis de péché, mais tu n'auras pas non plus de récompense. Il dit Thani, tamiz, al-ibada, ba'adwa, min ba'ad. Différencier les adorations les unes des autres. Mathalan, shars, ya'ti, il fait salat au dhuhr, qui est de 4 rak'at, et il vient, mais la niya du asr. En apparence, sa salat, elle est normale. Pour les gens, il a fait 4 rakat, il a fait normal. Il a fait dhuhr. Quand même, l'usaniya, c'est de faire quoi? Le asr. Donc sa salat, elle n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'il a fait avant le temps. L'asr, madakhala la route. Ah, mais chourou de la salat, c'est son temps. Lui, il a mis niya de faire l'asr, il s'est trompé. Est-ce qu'on dit, non, c'est bon, j'ai fait 4 rakat, c'est bon, ça suffit? Il dit non. La salat, tu l'as refait. Parce que tu as fait une salat là, qui est maintenant, qui n'est pas valide. Donc tu dois refaire dhuhr. Même si on a peur, tout ce que tu as fait c'était correct, ta niya n'était pas bonne, donc tu recommences. Amen. Aou shars, qui veut différencier entre des actes surrogatoires. Par exemple, il veut faire le duha. Mafalan. Il veut faire le duha. Ou nafilat mutlok, c'est-à-dire une nafila comme ça, sans la préciser. Il y a une différence entre les deux. Le duha, c'est le duha. Et c'est une sunna, mu'akkada. Et l'autre, ça vient de toi-même. Ce n'est pas les mêmes. Parce que s'il fait une nafila mutlaqa, surrogatoire comme ça, de lui-même, sans désigner une chose en particulier, une sunna mu'akkada, après il a fini, il dit, il est quelle heure, il regarde, il dit, ça veut dire c'est le duha. Il dit, non, ce n'est pas le duha. Ça. Tu fais le duha, tu recommences et tu mets le duha. Là, ta salat tout à fait, elle est valide. Mais elle ne sera pas comptée au présent de ce temps-là comme celle du Doha. Ça sera une nafila mutlaka, c'est tout. Ce n'est pas le Doha. C'est mine shuruk, il est zawal, jusqu'au zénith. Pas même ? Et également, cette mas'ala t'appelle al-ikhlas. La chose que tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une chose qui est en plus de l'acte. L'ikhlas, c'est le calme. L'ikhlas, c'est le calme. Par contre, il y a des actes, pour qu'ils soient rendus valides, une niya n'est pas forcément demandée. Il y a des actes où la niya, c'est obligatoire. Sinon, l'acte, il est refusé. Et d'autres, non, ça ne l'est pas. Masalan, قال الله سبحانه وتعالى, يا بني آدم, خذوا زينتكم عن كل مسجد. وَقُلُوا وَشَرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ. Ô fils d'Adam, prenez votre parure pour aller au masjid. C'est-à-dire, vous habillez bien. Les ulama, ils ont dit que ce verset-là, c'était pourquoi? Pour la salat. Recouvrir la aura. Parmi les shurud de la salat, que ta aura, elle soit recouverte. Quelqu'un, demain, il vient, il s'habille le matin. Après, il va à la salat. Est-ce qu'on dit, t'as pas mélanie de mettre ton vêtement pour faire la salat? On veut dire que ta salat n'est pas valable? Non. Ou quelqu'un, mathalène, qui avait une najasa sur son vêtement. Vous voyez? Avant la salat. Il voit, il les voit qu'il y a une najasa sur lui. Il est uriné, par exemple, il est uriné, et des gouttes sont tombées sur son sarawel. Il le nettoie. Après, il va faire la salat. Après, il parle à quelqu'un. Il dit, ouais, juste avant la salat, j'avais une najasa, je l'ai enlevé, alhamdoulilah et tout. L'autre dit, attention, est-ce que tu as mis la niya pour la salat? Il dit non, j'ai fait une niya parce que c'était sale. Il dit non, ta salat elle est mauvaise. Il dit non, c'est pas demandé ça. Ce qui est demandé, c'était pas de najasa dans la salat. Voilà, c'est le maxi, c'est fait. On t'a pas dit, faut que tu aies une niya pour ta salat d'enlever la najasa. Si tu l'enlevais même comme ça sans penser à la salat, t'arrives à la salat, t'as pas de najasa, khalas. Voilà. Mais on t'a pas dit, faut que tu aies une niya d'enlever la najasa. Demain, tu dois rendre une dette à quelqu'un. T'as apporté de l'argent à quelqu'un. Tu lui rends. Tu mets pas une niya, il le faire pour Allah. Tu lui rends la dette. Tu peux dire, non, tu rends encore parce que t'as pas une niya. Non, ça, il t'a rendu la dette. T'as rendu la dette. Ton action, elle est acceptée. Il y a certaines œuvres qui ne demandent pas de niya. Elles sont acceptées. Et d'autres, sans niya, là, tu l'es invalide. Ahmt? Adam. Et ça, ce sont les choses que le shir cite, là. Donc, ça, c'est la première règle. Vous voyez? C'est parmi les Khamsa al-Kubra, elle revient là, dans la poésie. C'est la première. Thumma qal ad-din mabniy ala al-masalih fi jalbiha wa dar'i lil-qaba'ih. Que la religion est basée sur les intérêts. Masalih, chose profitable. c'est-à-dire attirer ce qui est profitable et repousser les choses mauvaises. Donc ça c'est une règle qui va t'apprendre à ce que la religion n'appelle que à ça. وَمِنْ أَدِلَتِهَا يَقُلُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. Que Allah ne veut pas de la justice pour les serviteurs. C'est-à-dire qu'il veut que du bien pour toi. Allah, il veut que du bien pour toi. Tout ce qu'il a mis comme chose obligatoire ou interdite, c'est qu'il y a un bien derrière. Alors, il ne jamais se dire, je comprends pas, il y a du mal. Si tu vois pas le bien, tu connais la règle. À la base, tu connais cette religion, tu dis, il y a un bien, mais je ne le connais pas. Mais c'est obligé qu'il y ait un bien, sinon Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas ordonné. Donc ça répond à beaucoup de questions. Les gens disent pourquoi si, pourquoi ça. Tu lui dis la religion, elle va tirer dessus. Parmi les règles, c'est qu'elle est venue que pour apporter un bien aux gens et leur éviter du mal. Et même si le mal, toi, dans tes yeux, tu ne le vois pas, ou tu vois le mal, peut-être qu'il a mal pour toi, seul, et un bien pour des millions de personnes derrière. Donc il dit, هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله. Donc il dit, ça c'est un fondement qui est immense. Et c'est une règle générale dans laquelle rentre toute la religion. قال على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة على دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة فما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما يحيط به الوصف وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما يحيط به الوصف. Donc là, cela apporte que cette règle démontre que la religion apporte un bien sur tous les points. Pour l'akhira et pour la dunya. Tu trouves du bien dans les deux. Pour l'akhira, pour la dunya. Qu'elle te repousse les choses nuisibles, quand même, et qu'elle t'apporte que des choses bien. Allah n'a pas ordonné une chose sans qu'elle soit un bien. Même si tu ne le vois pas, comme on l'expliquait. Et elle n'interdit pas une chose sans qu'elle soit un mal. Même si toi, tu ne l'as pas, c'est un nez non plus. Également, tu regarderas, ce serait une protection même pour ton corps, pour ta santé. Et la chose la plus importante que Allah subhanahu wa ta'ala est interdit, quelle est-elle ? Le shirk. فقال أعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته الذي هو فساد ومضرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك. Donc il dit la chose la plus grave que Allah SWT a interdit, c'est le shirk dans son adoration. Qui est la base de tout mal dans les cœurs, dans les corps, dans la dunya, dans l'akhira. Tout le bien, c'est le dunya, l'akhira, c'est le tawhid, les fruits du tawhid. Et dans le shirk, c'est tout le contraire. Et d'ailleurs, avant ça, j'ai écrit le paragraphe, il le dit avant. Min a'zam, bel wa a'zam ma amara Allah bihi al-tawhid, alladhi wa ifradu Allah bil-ibadah. وهو مشتمل على الصلاح القلوب وسمعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرانها وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة. وكذي la plus grande chose que Allah SWT a ordonné, c'est le tawhid, celui qui est le fait de l'unifier en adoration. Et il est basé sur toutes les choses qui sont en bien, la réforme des cœurs, ainsi que des corps, et dans la lumière des cœurs. Et réel zalika. Tamam. Pour ce bas monde et pour au-delà. Et parmi les choses qu'Allah a également ordonné, il arkan. L'arkan est 5. Al-salat, al-zakat, al-siyam, al-hajj, wa qabla hada, al-tawhid. Mathalan, il dit que Allah SWT a autorisé les ventes, les actes de vente, pour ce qu'elles comprennent, pour ce qu'elles renferment comme justice et comme besoin des gens. Les gens ont besoin de cela. Donc dans la religion, c'était permis. Allah SWT a interdit le riba. Voyez ? Et ainsi que les actes de vente qui sont injustes et corrompus. Pour ce que cela engendre comme haine et rancœur entre les gens. Et également, le riba, ça amène à ce que les riches s'enrichissent encore plus et les pauvres s'appauvrissent encore plus. Allah SWT a rendu permis les bonnes choses, des nourritures et des boissons. Et interdit les mauvaises. Parce que cela aura besoin pour ta santé. Réel zalika. Et que les gens ont besoin, on a besoin de manger. Mais ce qu'on mange doit être des choses permises. Là-bas, c'est que c'est tout est permis à part les choses qui ont été interdites par un texte. Comme cela va venir dans les kawaii de cette manzouma. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit les choses mauvaises. C'est-à-dire, si une chose est interdite en religion, par exemple le khinzil, le porc, il dit c'est haram, ou l'alcool, on dit pas mais il y a du bien, on dit il y a du bien, mais le mal est le plus grand. Pourquoi? Tu dis Allah l'a interdit, ça te suffit. Celui qui a compris la règle, il dit pas pourquoi, il s'arrête là. Si Allah l'a interdit, c'est que khlas. Quand même, je sais qu'il y a un mal derrière, même si je le vois pas, je m'arrête là. طيب وبال جملة فأوامر الرب قوت القلوب وغذاؤها ونوائه داء القلوب وسمومها. De façon générale, les ordres d'Allah SWT sont une alimentation pour les cœurs, et que ces interdits sont un mal pour les cœurs et un poison pour les cœurs. Donc là, on va s'arrêter là aujourd'hui, inshallah ta'ala. On a pris la mukaddima de la manzuma, et on a pris deux règles qui sont que les choses ne se basent que sur des intentions, des objectifs, et que l'acte ne sera valable que par rapport à l'intention, l'objectif visé. Et on a appris également que la religion n'appelle qu'un bien et n'interdit qu'un mal. Après, c'est des choses qui sont un mal total, comme le shirk, et un bien total, comme le tawhid. Enfin, les choses qui sont... Le mal est plus que le bien, contient un bien, mais le mal est plus grand, ainsi de suite. Ça devient tadarruj, akada. Tamam ? طيب فسنتهي بهذا اليوم نقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.